vient d'en reprendre pour 3 semaines. Pour m'occuper, je me démène. Je sais que certains ont la belle vie, d'autres vont même baiser des filles. Il y a quelques mois, j'avais pourtant la plus belle fille de tous les temps. Et dis-moi, qu'est-ce que j'en ai fait? Un peu de haine, beaucoup de regrets. Mais moi, je ne sens plus mon corps bouger. Mais moi, je me sens inutile, rejeté de la société. Oui, moi, j'ai tellement envie de bouger. Tellement envie de baiser, voyager, vivre et chanter. Et respirer. 5 mois que personne m'a embrassé. Je glisse vers un néant forcé. C'est le retour des pâtes aux sardines, du vin et des odeurs d'urine. L'année dernière, je m'y étais cru. Souvenir d'un vieux temps disparu. Je m'étais pris pour une rockstar. Depuis, on m'a jeté au placard. Mais moi, je ne sens plus mon cœur vibrer. Moi, je me sens inutile avec ma bière et mes cachets. Oui, moi, j'ai tellement envie de bouger. J'ai tellement envie de baiser, voyager, rire et chanter. Et respirer. On dit que les artistes souffrent. On ne dit pas que les artistes étouffent. Loin du travail et des envies, l'artiste attend la fin de sa vie. C'est comme un séjour en enfer. Ouvre grand la porte du calvaire et jette-moi là, je reste ici avec ma gratte et mon whisky. Mais moi, je ne sens plus mon corps bouger. Moi, je me sens inutile, rejeté de la société. Oui, moi, j'ai tellement envie de bouger. J'ai tellement envie de baiser, voyager, vivre et chanter. Et moi, je ne sens plus mon cœur vibrer. Moi, je me sens inutile avec ma bière et mes cachets. Oui, moi, j'ai tellement envie de bouger. J'ai tellement envie de baiser, voyager, rire et chanter. Et respirer.